Elle tenait à la main un bouquet de cattleya, et Swann vit, sous son fanchon de dentelle, qu'elle avait dans les cheveux, des fleurs de cette même orchidée, attachées à une aigrette en plume de cygne. À l'ouverture du corsage décolleté, étaient enfoncées d'autres fleurs de cattleya. Odette était à peine remise de la frayeur que Swann lui avait causée, quand un obstacle fit faire un écart au cheval. Ils furent vivement déplacés, elle avait jeté un cri et restait toute palpitante, sans respiration. « Ce n'est rien, lui dit-il, n'ayez pas peur. » Et il la tenait par l'épaule, l'appuyant contre lui, pour la maintenir. Puis il lui dit « Cela ne vous gêne pas, que je remette à droite les fleurs de votre corsage, qui ont été déplacées par le choc. J'ai peur que vous ne les perdiez. Je voudrais les enfoncer un peu. » Elle, qui n'avait pas été habituée à voir les hommes faire tant de façons avec elle, dit en souriant « Non, pas du tout, ça ne me gêne pas. »